Au sport. Le 24 janvier, au hockey mineur, dans la Ligue Simple Lettre Hartford-Saint-François, l'équipe atombée des Sharks du Haut-Saint-François reçoit Frontalier Quaticook à Istengis à 15h. L'équipe Peewee A reçoit Métro Plouf Sherbrooke à 17h30. L'équipe Peewee B est aussi à domicile pour affronter la deuxième équipe de Magog à 16h15. L'équipe Bantam A se mesure à Hockey Expert Sherbrooke à la maison à 18h45. L'équipe Midget A affronte Thibault GM Sherbrooke 2 à l'Arena Eugène Lalonde à 18h45. L'équipe Midget B est à Lac-Mégantic à 16h45.